Chapitre 6e. Une idée de génie. Le soir du même jour, le vicomte de Kerlusset s'enferma dans son cabinet de travail aussitôt après le départ de Maître Maxou, et pendant 2 heures, il entassa, chiffre sur chiffre, et en couvrit d'un feuille de papier qu'il déchirait tour à tour pour en prendre d'autres et recommencer de nouveaux calculs. Après 2 heures de cet ingrat travail, le crayon lui tomba des mains. « Je m'étais trompé dans ma première évaluation, » murmura-t-il avec découragement. « Le railway projeté coûtera non pas 10, mais 16 millions. »« 16 millions. Que de barriques voudra expédier avant de rentrer dans ces déboursés énormes ?» Il demeura tout pensif. « Voyons, » reprit-il en se redressant brusquement, « ne pourrait-on pas résoudre le problème d'une manière moins dispendieuse ? N'y aura-t-il pas moyen d'abréger le parcours en augmentant les pentes ?» Il se livra pendant encore une grande heure à d'autres calculs qui ne le satisfirent pas mieux que les premiers. Il plaça alors la tête dans ses mains, et il se prit à réfléchir de nouveau. Sa pensée chevaucha à droite, à gauche, dans tous les sens, avec une rapidité vertigineuse, tandis que son corps demeurait dans une immobilité de statue. Il cherchait sans vouloir s'avouer vaincu. Parfois, un éclair jaillissait de ses yeux fatigués, puis s'éteignait presque en même temps qu'allumé. Tout à coup, il poussa un cri de joie. Une idée, une de ces idées qu'on s'étonne de ne pas avoir trouvées tout de suite, venait de traverser son cerveau. Lorsque le vieil Archimède prononça le fameux mot parvenu de siècle en siècle jusqu'à nous, « Eureka, Eureka, j'ai trouvé !» Certes, l'enthousiasme ne le transportait pas plus que Kerlusset en ce moment, et son regard ne reflétait pas plus éloquemment l'inspiration du génie. C'était en effet une idée de génie, simple à première vue, mais magnifique par ses résultats, qu'avait trouvé le jeune ingénieur. « Oui, c'est cela, c'est bien cela !» se dit-il. « Au lieu de faire transporter l'huile minérale par un railway, je créerai une canalisation qui partira de nos puits et aboutira à la mer. Rien de plus facile, en effet, nos sources sont situés à 300 milles environ de l'Atlantique. Je creuse le sol, j'y placerai des tuyaux qui emporteront nos produits à Baltimore, et le problème sera résolu. Lorsque des montées se dresseront, j'emmènerai l'huile dans nos conduits sous une pression de 900 livres par pouce carré. De 15 milles en 15 milles, j'établirai des pompes d'une force de 100 chevaux pour la faire écouler et pousser plus loin. Puis, à la sortie des tuyaux, je l'emmagasinerai dans d'immenses réservoirs qui communiqueront avec des établissements de purification et de clarification. Et tout cela, ajouta-t-il en forme de conclusion, le canal avec ses dépendances ne coûtera que 7 500 000 francs, soit une économie de 2,5 millions sur mon premier devis. Le jour, qui commence à poindre, fit pâlir sa lampe, mais le jeune savant, malgré son absence de sommeil, ne ressentait plus à présent aucune fatigue. La satisfaction de soi-même et la joie donnent à l'homme des forces dont il ne se doutait pas. Kerlusset prit de nouveau son crayon et il consigna ses calculs dans un rapport détaillé. Le soleil s'était levé depuis longtemps lorsqu'il eut terminé. Maurice de Lavernay, qui venait de s'habiller, avait entendu du bruit dans le cabinet de son beau-frère, entra. « Quand partons-nous pour la ville ?» lui demanda-t-il. « Le temps d'embrasser Marcel, » répondit l'ingénieur en prenant ses papiers. « Vous avez travaillé cette nuit ?» « Je ne me suis pas couché. »« Vous avez préparé le devis que vous devez remettre aujourd'hui à Maître Maxou. »« J'ai renoncé à toute idée de railway. »« Comment cela ?» fit Lavernay d'un air surpris. « Lisez ceci et vous comprendrez, » répondit Amaury en lui tendant son rapport. Maurice le prit, et à mesure qu'il lisait, une vive admiration se peignait sur son visage. Lorsqu'il eut achevé sa lecture, il s'inclina devant Kerlusset. « Vous êtes un homme de génie, » lui dit-il. « Mon Dieu !» « C'est tout simplement une idée heureuse qui m'est venue, » répondit le jeune savant du ton le plus modeste. « Voulez-vous maintenant me permettre un conseil ?» répliqua le baron de Lavernay. « Voyons votre conseil. C'est de ne parler de ceci à qui que ce soit avant la réunion des actionnaires. Et quoi ? Vous voulez que je garde le silence près de ce brave Maxou qui s'est montré pour nous si admirable de dévouement ? Il aura le plaisir de la surprise. » « Soit, » répondit le vicomte de Kerlusset. Il sortit de son cabinet et entra sans bruit dans la chambre de Marcel. La jeune femme dormait si profondément qu'elle ne sentit pas le baiser d'Amaury effleurer son front. Elle avait le sourire aux lèvres. Le bonheur la berçait jusque dans son sommeil.